Depuis ma naissance, je suis en convalescence. Dieu m'a dit confiance, il a éveillé mes sens. Alors j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé vers les cieux, et avec un air de vicieux, je suis devenu malicieux. J'ai le regard dirigé vers l'avenir, et si la vie compte me mettre une claque, je veux la voir venir, et même une lame plantée dans les côtes. J'avance la tête haute, comme sous l'effet de la coke. Pour m'arrêter, faut me battre, pour me battre, faut m'abattre. Et pour m'abattre, faudra que tu te plies en quatre. Car trop longtemps que je galère, que je ravale mes glaires, en attendant que la roue tourne et que la lumière m'éclaire. Parce que je me donne à fond comme un fou, et que dans ma tête ça chauffe comme un four. Je veux marquer l'époque, et sans faire du porte à porte, ouvrir tes portes aux potes. Je viens pour marquer le coup, du coup, beaucoup. Signe d'échec pour me check, car tout a un coup. Et avant de crever, je me dis vais-je y arriver, obtenir tout ce dont Hervé avait rêvé. Depuis ma naissance, je suis en convalescence. Dieu m'a dit confiance, et l'a éveillé mes sens. Alors j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé vers les cieux, et avec un air de vicieux, je suis devenu malicieux. Depuis ma naissance, je suis en convalescence. Dieu m'a dit confiance, et l'a éveillé mes sens. Alors j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé vers les cieux, et avec un air de vicieux, je suis devenu malicieux. Du genre fonceur comme un féroce rhinocéros. Mon rap n'a rien à voir avec Ramazzotti Eros. Loin d'être du style BCBG. Pour faire court, pour abréger, moi j'aime débraiser ou rapper avec les poteaux, faire des roues en moto. Et si tu veux un jour gagner le gros lot, l'auto. Et ouais, j'ai qu'un souhait, que la pluie de la misère coule sur ma vie comme sur un caouet. Mes prières ne datent pas d'hier, elles me préservent et m'éloignent de la folie meurtrière. Un temps j'ai cru avoir bien tout fait, mais j'avais tout faux. Et si je me laissais aller, je deviendrais tout fou. Car la vie que je mène me malmène, mais c'est la mienne, alors je l'aime quand même. Et si d'un coup tout devait s'arrêter, je dirais que me battre pour mes convictions, quel bonheur ça a été. Depuis ma naissance, je suis en convalescence. Dieu m'a dit confiance et l'a éveillé mes sens. Alors j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé vers les cieux, et avec un air de vicieux, je suis devenu malicieux. Depuis ma naissance, je suis en convalescence. Dieu m'a dit confiance et l'a éveillé mes sens. Alors j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé vers les cieux, et avec un air de vicieux, je suis devenu malicieux.